Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez un lit, des ronflements, des pleurs, de la mauvaise humeur et vous obtiendrez le monstre du lit. Je me suis réveillée en sursaut. Des ronflements s'échappaient de sous mon lit. Comme si un cochon de l'enfer y avait aménagé une tanière. Je me suis blottie sous ma couette, étouffant des sanglots pleins de morve. Les ronflements ont cessé. D'un coup, ma couette s'est soulevée. Un monstre arc-en-ciel et poilu me fixait contrarié. Tu m'empêches de dormir. Tu m'as fait trop peur. Avant, je rêvais tranquillement dans mon lit. Eh ben, tu sais quoi? C'est à mon tour d'y roupiller. Il m'a poussée, je suis tombée, j'ai rampé sous mon lit. Entourée de tous les trésors que j'y avais cachés, je me suis aussitôt endormie. Mais des couinements larmoyants m'ont réveillée. Le monstre n'arrivait pas à dormir. Alors, pour calmer son chagrin, je me suis glissée sous les draps et je l'ai pris dans mes bras.